Chapitre 8e. Tu es seul, Herman ? Où donc est ton frère ? Demanda Catherine à son fils quand elle le vit entrer dans la grande pièce où toute la famille se réunissait le soir après les travaux de la journée. Yann n'est pas encore de retour ? Fit-il tout surpris. Non, vous êtes partis ensemble, pourquoi ne revenez-vous pas de même ? Le frère m'a quitté peu de temps après notre départ et je croyais le retrouver ici. Où allait-il en te quittant ? Je ne sais pas. Dit-il tout pensif. Je vais aller à sa rencontre. Il ne doit pas être très loin. Bon, interrompit Pierre Guillot, qui remaillait un filet tout en fumant une énorme pipe de bruyère. Ta mère s'inquiète de rien. Il est assez grand pour venir seul. Aide-moi plutôt à boucher ces trous-là. Erwan hésita, puis s'assit près de son père. Une vague inquiétude l'assaillait sans qu'il pût définir pourquoi il avait peur et ce qu'il redoutait. Il jugeait son frère trop foncièrement croyant pour le supposer capable d'un coup de tête irréparable, et cependant son absence l'alarmait instinctivement. Ses doigts machinalement passaient la navette entre les mailles du filet, mais sa pensée était bien loin de son travail. À la fin, il ne put y tenir, il repoussa sa chaise et se leva. « Le frère tarde un peu, je vais voir. » Pierre Guillot haussa les épaules. Il trouvait inutile cette sortie. Yann n'était-il pas arrivé à un âge où le besoin de courtiser les filles se fait sentir? Il était quelque pêcheuse attardée, parbleu, et Erwan n'avait guère besoin d'aller le relancer. Catherine, peu convaincue, hocha la tête. Erwan est un bon frère, il a raison de s'occuper de son besson. Un malheur est si vite arrivé. À peine Erwan quittait-il l'enclos de sa chaumière qu'il se heurta à un laïc arrêté au milieu du chemin. J'hésitais à entrer chez vous, Erwan. Je voudrais vous parler. Qu'avez-vous à me dire? J'ai vu votre frère tantôt. Il ferma les yeux avec effort. « Eh bien, notre entretien était plutôt orageux. J'étais si malheureuse que je ne lui ai pas caché tout le mépris qu'il m'inspirait. Maintenant, j'ai peur. »« De quoi? Que craignez-vous? Yann ne vous fera jamais de mal. Il sait bien que je renonce à vous épouser, et cela lui suffit. »« Peut-être, mais j'étais très exaltée. Je n'ai pas mesuré mes paroles, et quoique sur le moment je n'ai pas attaché d'importance, je crois bien qu'il m'a parlé de mort. »« De mort ?» Oui, il m'a dit qu'il allait se tuer. Malheureuse, que lui avez-vous donc dit ? À ce cri de reproche et d'angoisse fraternelle, Anaïk se mit à trembler. Elle leva ses grands yeux craintifs sur le jeune homme et joignit les mains. Je ne sais plus, je souffrais tant. Ce que vous m'apprenez m'effraie. Savez-vous qu'il n'est pas rentré ce soir ? Elle devint toute blanche et porta ses deux mains à sa poitrine. Ah ! Pourquoi avez-vous agi ainsi avec lui ? Reprit-il, égaré par ses craintes. « Ne comprenez-vous pas que pour le ménager ainsi, il fallait que j'aie de bonnes raisons ? S'il lui est arrivé malheur, ce sera à cause de vous. Mon frère, ma mère, oh, misère de moi ! Mon sacrifice n'aura donc pas suffi. »« Grâce, balbutia-t-elle, ne m'accablez pas. Si vous saviez comme je souffre, c'est atroce de penser que je peux causer la mort d'un homme. » Il la vit défaillante, et la pitié lui vint de la sentir si faible. « Calmez-vous, » dit-il en la soutenant par le bras. Le mal est peut-être moins grand que nous ne le supposons. Je vais me mettre à la recherche de mon frère. Par où est-il allé en vous quittant ? Par là, dit-elle en désignant de son bras étendu la direction du fort de la Latte et du Cap Fréhel. J'irai donc de ce côté, quoiqu'il me paraisse impossible que Yann ait pu commettre un tel acte de folie, lui qui aimait tant notre mère. Je veux le chercher aussi. Laissez-moi vous accompagner. Non, vous me retarderiez, car vous ne pourriez suivre mes pas. Rentrez chez vous. J'irai, à mon retour, vous informer du résultat de mes recherches. Il s'éloignait, pressé, mais elle le retint et d'une voix suppliante bégaya. Erwan, je vous en prie, si un malheur était arrivé, me le pardonneriez-vous ? Il tressaillit de la tête aux pieds et voulut dégager sa main qu'elle retenait entre les siennes, mais la jeune fille, glissant à genoux, se cramponna à lui. Pitié, Erwan, je ne suis qu'une faible femme, moi. Pourrais-je vivre encore si vous me maudissiez ? Pardon. Je vous aimais tant que l'idée de vous savoir à jamais perdu m'a affolée. Je suis seul au monde, et vous étiez mon unique espoir. La douleur de cette voix si chère fondit son ressentiment. Il se pencha et releva l'orpheline. Je vous pardonnerai, Anaïk. Mon cœur trouverait encore des excuses à votre conduite, mais priez Dieu. Car si ce que nous redoutons était accompli, vous m'auriez retiré jusqu'au droit de penser à vous. Elle baissa la tête et ne dit plus rien. Il la quitta. Immobile dans sa grande mante noire, dont le capuchon était rabattu sur sa tête, elle resta longtemps à écouter le bruit des pas du jeune homme qui s'éloignait. Quand elle ne les distingua plus, elle poussa un gros soupir et, levant ses yeux baignés de larmes vers le ciel noir, elle fit monter cet appel au Dieu de toute miséricorde. « Ô Seigneur, protégez-nous. S'il vous faut une victime, pour expirer leur amour fratricide, votre servante est là. Frappez-la, épargnez-les, eux qui ont des parents que leur mort tuerait. »